نواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، توقفنا عند قول المصنف في الصنف الرابع. Donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre, sur l'étude du livre « Le monothéisme bénéfique à l'état pur ». Et sans plus attendre, on va continuer, on s'est arrêté. On a commencé dans la dernière assise à évoquer la quatrième catégorie. La quatrième catégorie concernant le bienfait, les bénéfices, l'utilité, les sagesses qu'il y a derrière les prescriptions ou la prescription des adorations. Donc cette quatrième catégorie, il faut bien écouter, il faut essayer de bien comprendre pourquoi, puisque l'auteur, là, va mentionner la bonne conception et la bonne pensée à avoir. Et l'enseignement de grands érudits savants depuis les premières générations concernant l'adoration et le sens de l'adoration, l'utilité de l'adoration, le bénéfice de l'adoration, la sagesse qu'il y a derrière la prescription de l'adoration. Et donc vous allez voir à travers l'explication, il y a de grands enseignements à tirer de cela. Et donc cette quatrième catégorie, les savants, dans l'explication, mentionnent que c'est la parole de vérité. C'est la parole de vérité par rapport aux trois tendances et aux trois pensées citées précédemment. Donc l'auteur, concernant cette question, on est toujours en train de traiter cette question très importante, quelle est l'utilité de l'adoration et les sagesses à travers la prescription des adorations? Y a-t-il sagesse ou non? Selon certaines tendances, ils ont réfuté toute sagesse. On les appelle Nufat al-Hikam ou al-Ta'lil, puisque eux, ils lient tout cela à l'ordre et à la volonté divine. Mais en réalité, comme on va apprendre, à travers la prescription des actes d'adoration, il y a une sagesse immense du Créateur. Pour cela, au début, l'auteur a mentionné trois conceptions, trois tendances, trois pensées concernant cette question, le bénéfice, le bienfait et les sagesses qu'il y a derrière les prescriptions divines, les prescriptions des adorations. Voilà la question qu'on est en train de traiter. Là, on est arrivé à la quatrième catégorie. Donc c'est une quatrième pensée, c'est la pensée de vérité, c'est la pensée des grands théologiens et savants érudits musulmans. قال المصنف رحمه الله تعالى. Donc hier on avait commencé à lire la première partie de cette catégorie en arabe. Donc on va essayer d'avancer, ensuite on va lire la traduction de l'œuvre, traduction littérale, et ensuite on lira une partie de l'explication, Inch'Allah. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصنف الرابع قال وهم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها قال وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات كارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والإعطاء بالجود فعندهم من قام بمعرفة على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا ومرادا واستقامة استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب وهما تفسيران صحيحان فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها وحقيقة العبادة امتثالهما ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه فإن كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنها لا غاية له ولا حكمة مقصودة وأن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية والارتياضة لمخالفة العوائد وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكبار محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبته من تمام محبته وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبودية وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهي فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما عليها وشاهدا لها كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليها مما سواهما ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إلي أو حكم به أو حاكم إلي فليس ممن أحبه لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطيع ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يخاف عليه وكل من يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كأن أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد وهذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته وهذا هو داخل تحت الوعيد انتهى كلامه لا بقي قال فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه وديني بلساني أو انتقل من هذا إلى عقوبتي أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين ونواب المفسدين انتهى كلامه رحمه الله في الصنف الرابع. Donc là je vous ai lu dans la totalité tout ce qu'on a lu là, c'est la quatrième catégorie. On a lu en arabe la quatrième catégorie. Donc je vais vous lire la traduction littérale de la parole de l'auteur. Ensuite, on essaiera de faire des éclaircissements, Inch'Allah, puisque même avec la lecture de la traduction, certains passages risquent de ne pas être clairs. Donc on devra faire des petits éclaircissements. Donc pour que vous puissiez distinguer, parce qu'il est bon de distinguer entre la parole de l'auteur et l'explication, je vous lis littéralement la traduction, Inch'Allah, de ce qu'on vient de lire en arabe, et ensuite, on essaiera de comprendre certains passages qui sont bénéfiques. Vous allez voir qu'il y a des favoris, des enseignements bénéfiques. Donc si à la première écoute, il y a des passages qui ne sont pas forcément clairs, à la deuxième écoute, avec l'explication, il y aura des passages qui seront plus clairs, puisqu'on va clarifier avec le commentaire, Inch'Allah. Mais ce qui est important, c'est de toujours faire la distinction entre la parole de l'auteur, l'œuvre et l'explication. Donc là, ce qu'on va lire, c'est la parole de l'auteur. C'est ce que je viens de lire en arabe. Donc, قال المصنف, dans une traduction littérale, et du sens de ce que dit l'auteur, à travers la quatrième tendance. Quatrièmement, il dit, la dernière tendance conjugue quant à elle, entre la matière et la loi, entre la création et les causes, selon ses adeptes, la raison subtile et suprême qui se cache derrière l'adoration repose sur la connaissance du sens véritable de la divinité. Donc écoutez bien, c'est vraiment très subtil et très pertinent. Qala, il dit, l'individu doit savoir en quoi le Seigneur représente-t-il la divinité. L'adoration implique en effet la présence de la divinité. Elle en est la trace et la conséquence. Elle est autant liée à la divinité que les attributs sont liés à leur sujet. Que le savoir par rapport au sujet, que la création et le pouvoir de créer, que le bruit par rapport à l'écoute, que la bienfaisance par rapport à la miséricorde, et que les dons sont liés à la générosité. Ainsi, il accomple de s'enquérir du sens de la divinité. Comme nous l'avons expliqué d'un point de vue étymologique et spécifique à Allah, en tenant compte de sa provenance et de sa référence, il devient facile, grâce à cette connaissance, de découvrir le vrai sens et le but de l'adoration. Sache ainsi que le culte voué à Allah est la raison pour laquelle il a créé les hommes. Pour celle-ci, il a envoyé les messagers, révélé les livres et créé le paradis et l'enfer. Allah énonce explicitement ce principe dans le Coran en disant « J'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Les créatures furent ainsi sorties du néant pour réaliser ce but comme le précise un autre verset disant « L'homme pense-t-il qu'il sera laissé libre » C'est-à-dire qu'il sera laissé à rien faire. L'imam Shafiri affirme à ce sujet qu'il ne sera soumis à aucune obligation ni interdiction, dans le sens, l'homme pense-t-il qu'il ne sera soumis à aucune obligation et ni interdiction ? Selon d'autres exégèses, l'homme pense-t-il qu'il ne sera rétribué ni en bien ni en mal pour l'obligation qui lui incombe ? Il lui incombe en effet de vérifier l'adoration et de la vouloir. Le vrai sens de l'adoration étant de la mettre en pratique. C'est pourquoi Allah révèle dans son livre qu'il réfléchit sur la création des cieux et de la terre en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. » Et dans un autre verset, dans le sens littéral du verset, « Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve entre eux, si ce n'est en toute vérité. » Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, Allah créa les cieux et la terre en toute vérité, afin que chacun soit rétribué selon ses œuvres. L'auteur dit ensuite, Allah nous informe ainsi qu'il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Cette vérité sous-entend ses obligations et ses interdictions, sa récompense et son châtiment. En sachant que les cieux et la terre furent créés à cet effet, il devient évident que l'adoration est le but suprême de la création. Comment oser dire alors que l'adoration n'a aucun but précis? Elle serait seulement un salaire en contrepartie à un ouvrage, afin que la récompense ne soit pas altérée par une faveur quelconque. Elle n'a pas non plus la fonction de préparer l'âme à recevoir la connaissance intellectuelle et de la former à aller contre ses habitudes. Il suffit à la personne sensée de concevoir la différence entre ces différentes tendances et les textes explicites de la révélation, pour se rendre compte qu'Allah créa les hommes pour une raison illustre. Autrement dit, il convient de lui vouer l'adoration à laquelle il faut ajouter un amour parfait, l'humiliation extrême et une complète soumission à ses commandements. L'adoration consiste à l'origine à aimer le Seigneur d'un amour exclusif ou exclusif. Exclusif sans le partager avec quiconque. L'amour que l'on voue à un autre doit être lié à son amour. Il faut aimer les messagers. Il faut aimer les prophètes, il faut aimer les anges, pour parfaire l'amour qu'on lui doit. Cet amour est différent de celui des polythéistes, qui lui donnent dans l'adoration des rivaux auxquels il voue le même amour. Ainsi, le véritable sens de l'adoration, c'est d'aimer Allah. Celle-ci n'est possible sans suivre ses obligations et s'éloigner de ses interdits. Se soumettre à ses commandements est le véritable paramètre pour vérifier l'authenticité de l'adoration et de son amour envers lui. C'est pourquoi, pour Allah, suivre le prophète est l'indice révélateur et le témoin de cet amour. Le Coran souligne en effet dans le verset, dit « Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi donc, Allah vous aimera. » L'auteur dit ensuite « Suivre le prophète est donc la condition, sine qua non, pour prétendre aimer Allah et prétendre à son amour. Or, il est impossible de réaliser une chose soumise à une condition sans se soumettre à cette condition. Il est exclu de prétendre aimer Allah sans suivre son messager. Mais cela ne suffit pas non plus. Il faut aimer Allah et son messager plus que quiconque. En aimant une chose plus qu'Allah et son messager, on sombre ainsi dans l'association impardonnable. Allah révèle à ce sujet dans son livre, dit « Quand bien même ils étaient vos proches, donc il s'arrête lorsqu'il cite le verset 24. Dit Qul in kuntum, on va s'arrêter sur ce verset. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. T'as la traduction? Alors le verset, ils l'ont pas traduit dans son entièreté, et dit Allah révèle, dit quand bien ils étaient vos proches, pères, vos enfants, jusqu'à la fin du verset. Donc là, ils n'ont pas traduit tout le verset. C'est le verset 24 de la sourate Le Repentir. Allah nous dit Qul in kana aba'ukum. Et même si c'était vos pères, wa abna'ukum, vos enfants, wa ikhwanukum, vos frères, wa azwajukum, wa ashiratukum, vos frères, vos épouses et vos proches, wa amwalun iqtaraftumuha, et aussi votre argent que vous avez acquis, ou bien votre commerce, dont vous craignez la perte, dans une traduction relative, jusqu'à la fin du verset où Allah dit, si tout cela est plus cher qu'Allah et son messager. Wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Après que l'auteur ait cité ce verset, ensuite il dit: ainsi préférez une parole à celle d'Allah, une loi ou un juge, cela revient à ne pas l'aimer. Il est possible cependant que la confusion règne dans l'esprit de celui qui est poussé à le faire. Il peut penser que les injonctions, que les jugements et les paroles qu'il suit sont conformes aux enseignements du prophète. Alors le prophète est sa référence. Il se soumet à ses commandements et à ses enseignements. Il est alors excusable dans la mesure où il n'a pas pu faire autrement. En revanche, il peut avoir accès à la sunna du prophète et avoir conscience qu'il met en avant d'autres enseignements qui s'opposent toutes ou partie aux siens. Il daigne cependant se tourner vers la parole du prophète ou tout au moins vers celle d'un savant plus à même d'être écouté. Il court dans ce cas un grand danger. Celui qui n'a aucune science, aucune perspicacité, aucun outil d'analyse sur lequel s'appuyer, comme l'analogie ou autre, ne doit pas protester que son modèle est plus à même de pénétrer les intentions du prophète. Ce genre d'excuse est inutile. Il est possible de tenir ce discours avec un individu reconnaissant que personne n'est exempt d'erreur en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui. Mais si ce dernier conteste ce principe, il n'y a plus de discussion à avoir avec lui et celui-ci encourt une menace terrible. Il peut malheureusement aller plus loin et se permettre d'insulter son adversaire et de porter atteinte à son honneur ou à sa religion. Il peut même s'en prendre directement à sa personne en lui infligeant une punition ou en lui faisant des ennuis. Il se transforme ainsi en criminel et il se fait l'agent des pervers. Voilà, c'est de là, il termine l'explication de la quatrième catégorie. Vous avez vu ce long passage, c'est l'explication de la quatrième pensée, de la quatrième tendance. Et donc, je vous ai lu littéralement l'œuvre. Donc ça, c'était la parole de l'auteur. Maintenant, on va essayer de comprendre. On va essayer de clarifier certains passages qui sont très importants. Car peut-être, à première écoute, vous n'avez pas pu tout percevoir l'essence et comprendre tous les sens de que veut et les enseignements que veut enseigner l'auteur. Khalil al-Musannif, de l'auteur dit, dans cette quatrième catégorie, donc maintenant on commence dans l'explication de ce qu'on vient de lire. Cette quatrième catégorie, donc pour les savants, les grands érudits savants, lorsqu'ils commandent cette quatrième catégorie, comme on l'a dit précédemment, ils disent que ça, c'est la catégorie, leur conception, puisque là on parle de l'adoration. Donc on revient bien au sujet pour que vous puissiez bien comprendre ce que dit l'auteur. L'auteur parle de l'adoration. Dans cette question, on est toujours sur la question. Et donc, quel est le bénéfice de l'adoration? Lorsque le croyant adore son créateur, quel est le bénéfice? Quelles sont les sagesses derrière la prescription divine, derrière ces adorations? Donc, certaines tendances ont pensé qu'il n'y avait pas de sagesse particulière. Il n'y avait pas d'utilité particulière. C'était juste le fait de se soumettre à l'ordre divin. Ça, c'est une tendance, c'est une pensée, c'est une conception qu'on a citée. Dans la première, pour eux, il n'y a pas, c'est nous fait al-hikam. Il n'y a pas de sagesse particulière. Pour eux, Allah a voulu. Le Créateur a voulu. Donc, c'était sa volonté. Et donc, l'adoration, le fait d'observer l'adoration et les prescriptions divines, c'est se soumettre à la volonté du Créateur. Est-ce que derrière, il y aura une sagesse? Pour eux, non. Et l'auteur réfute cela. C'est ce qu'on apprend. L'adoration, il y a des bénéfices. Il y a une sagesse immense derrière la prescription de l'adoration. La deuxième conception qu'on a appris, dans la deuxième tendance, on avait appris quoi? On avait appris pour eux, dans cette pensée liée à la deuxième tendance, ils considèrent que, en fait, le bien de l'adoration, c'est quoi? C'est que, en retour, il y a le salaire. Il y a le salaire. Donc, ils ont lié cela à un salaire. Comme l'ouvrier lorsqu'il perçoit son salaire. Et rien de plus. Et on va revenir à cette pensée-là. Et ça, c'est la pensée, on a dit, de la doctrine qu'on appelle Al-Qadariya, qui sont apparues déjà dans les premiers temps. Déjà, à la fin de l'ère des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont apparus Al-Qadariya, avec l'arrivée, l'apparition d'un homme qui s'appelait Ma'bad al-Juhani. L'important, ensuite, l'auteur a cité la troisième catégorie. La troisième catégorie, ça c'était le sujet de la dernière assise de sujet d'hier. La troisième catégorie, eux, c'est la tendance, c'est la pensée, c'est cette doctrine qui considère que l'adoration, en fait, c'est juste un exercice spirituel. C'est juste un exercice, un effort spirituel pour s'écarter, se préserver de l'instinct animal et bestial. Et donc, pour s'écarter de cet instinct-là et d'arriver à la condition animale et bestiale. Donc pour se préserver, il faut faire un effort spirituel. Et donc pour eux, l'adoration, le bénéfice de l'adoration, c'est justement de se préserver de l'instinct bestial et que l'être humain succombe à son instinct bestial. Pour eux, c'est ça le bénéfice de l'adoration. Vous comprenez jusque-là ? Donc maintenant, l'auteur cite la quatrième pensée, que lui-même voit que c'est la pensée de vérité. Quelle est l'adoration en réalité, le bénéfice de l'adoration ? Si vous avez compris la question traitée, c'est l'utilité et la sagesse derrière l'adoration que l'auteur traite. Bien sûr, ça, c'est un écrit qui date de siècles. C'est pour cela que la langue est, la linguistique, est subtile, elle est éloquente, et même dans la langue arabe, c'est d'une langue arabe éloquente, et donc subtile. C'est pour ça que vous avez pu constater que dans la traduction française, c'est un style éloquent. On va essayer de vulgariser dans le sens de simplifier la compréhension. Donc cette quatrième tendance dit que le secret est le mystère de l'adoration. Et écoutez bien, c'est très pertinent. L'auteur dit en fait, le secret et le mystère de l'adoration se trouve هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب فعندهم أن السر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية. Eux, ils considèrent que le mystère de l'adoration, pour comprendre le sens de l'adoration et les principes et les bienfaits de l'adoration, il faut comprendre le sens de la divinité. Al-ilahiyya. L'unicité de la divinité. Tawhid al-uluhiyya. Il faut comprendre qui est Al-ilah. Qui est le Seigneur, le Créateur, l'adoré. Donc, il faut avoir une bonne connaissance de son Créateur. Plus littéralement, c'est pour ça que vous allez mieux comprendre dans la parole, lorsqu'il dit, la deuxième tendance ou la quatrième tendance conjugue quant à elle entre la matière et la loi, entre la création et les causes, selon les adeptes, la raison subtile. La raison subtile, l'on traduit par, plus littéralement on pourrait traduire, le secret, le mystère de l'adoration, qu'ils ont traduit par la raison subtile et suprême, se cache derrière l'adoration, repose sur la connaissance du sens véritable de la divinité. Il faut, premièrement, comprendre le sens véritable de la divinité. En arabe, l'auteur dit Al-ilahiyya. Wa ma'na kaunihi subhana ilahan. Et comprendre le sens qu'Allah Azza wa Jal wal ilah. C'est pour ça, dans notre attestation de foi, un musulman, lorsqu'il rentre dans l'islam, il doit attester, témoigner. Il doit dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, ça, c'est un témoignage. C'est pour cela que, pourquoi une personne, par exemple, qui s'intéresse à l'islam et veut se convertir à l'islam, il doit pratiquer le premier pilier. Il doit témoigner et il doit dire, je témoigne qu'il n'y a la ilaha illallah. La ilaha nafi illa Allah. Ithbat, l'affirmation. Et témoigner que Muhammad wa Rasulullah. Pourquoi ça, c'est une attestation qu'on ne peut pas garder dans son cœur? Parce que cette attestation-là, c'est un témoignage. Et comme tout témoignage, il faut le prononcer avec la langue. Donc, une personne qui y croit dans son cœur, au témoignage, il y croit. Une personne, par exemple, qui se dit musulman, et il dit, moi je l'ai dans le cœur, kalimat la ilaha illallah. C'est dans mon cœur. Mais il ne prononce pas. Il dit, je ne le prononce pas, c'est pour moi. Il n'a pas pratiqué le premier pilier de l'islam. Puisque le premier pilier de l'islam, c'est shahada. C'est une shahada. C'est pas un i'tiqad seulement. C'est pas juste une conviction. C'est shahada. Donc pour l'accomplissement du premier pilier, il faut teshhad. Il faut que tu témoignes, que tu attestes. Tu attestes de quoi? Qu'il n'y a pas de ilah autre si ce n'est Allah. Et donc pour comprendre le sens de cette attestation, il faut comprendre le sens de al-ilah. C'est quoi l'ilah? Il faut comprendre cela. Et en ces temps, beaucoup de d'arabophones, beaucoup d'arabes, en réalité, ne comprennent pas véritablement le sens réel et véritable de la shahada, du témoignage. Pourquoi ? Contrairement, dans les premiers temps, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les arabes de la péninsule arabique, autrement dit les arabes de la Mecque, le peuple du prophète, Quraysh, eux connaissaient le sens parfaitement de la ilaha illallah. Ils connaissaient le sens parfait. Ils connaissaient la subtilité. Pourquoi ? Et c'est de ce fait qu'ils n'ont pas voulu la prononcer, parce qu'ils connaissaient les implications de celle-ci. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont tout proposé, ils lui ont dit à Mohammed, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux les trésors de cette vie d'ici-bas ? On te donnera tout. Tu veux l'argent, les biens, l'or ? Qu'est-ce que tu veux ? On te donnera tout. Le prophète a dit, je veux juste une parole. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Koulou, la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous connaîtrez la réussite. Ils ont dit la. Si tu nous demandes de prononcer 1000 paroles, on les prononcera, mais pas celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient le sens de l'ilah. Aujourd'hui, à la différence, beaucoup de musulmans ne connaissent pas le sens de l'ilah. Et de ce fait, les savants ont même expliqué des conditions pour l'acceptation de notre témoignage. Pourquoi ? Parce que le premier pilier de l'islam, c'est un témoignage. Et donc un témoignage, il est tout le temps et forcément accepté ou bien il peut être refusé et non accepté. Il peut être refusé. Et comme le premier pilier de l'islam, shahadata an la ilallah, c'est un témoignage, donc celui-ci peut être accepté comme il peut être refusé. Et de ce fait, il y a des conditions pour l'acceptation de ce témoignage. Celui qui dit la ilaha illallah, il doit le dire bi'ilm, avec science. Celui qui dit la ilaha illallah wa hada shart al-ilm fa'lam annahu la ilaha illallah thumma astaghfir li dhanbik. Allah dit au prophète fa'lam, sache qu'il n'y a nul ilah si ce n'est Allah. Ensuite, après cela, demande pardon pour tes fautes. Ensuite, demande pardon pour tes fautes. Le prophète dans un hadith dit man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui connaît, regardez là, la connaissance, le savoir de la ilallah, le prophète dit, il rentre au paradis. Pourquoi ? Lorsque le témoignage est accepté. Si votre témoignage, votre shahada, il est accepté, c'est le paradis. Puisque le prophète sallam dit, Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilallah dakhala al-jannah. Celui dont sa dernière parole sera la ilallah dans cette vie d'ici-bas, il rentre au paradis. C'est kalimatu tawhid, miftah al-jannah. Parce que c'est la clé du paradis. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et chaque clé a des dents. Et les dents de cette clé, c'est ces conditions, comme on vient d'énumérer une condition. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la dire avec connaissance. Il faut connaître le sens. Comme ici, pour connaître le sens et le bienfait et l'utilité et les sagesses de l'adoration, il faut connaître le sens de al-ilahiyya. Et donc de al-ilah. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'auteur insiste sur cela, connaître le sens de al-ilah, quel ilah. Wa anna al-ibadata mujabu al-ilahiyyati wa atharuha muqtadaha. Et là c'est très pertinent, puisqu'ensuite regardez, il dit l'individu doit savoir en quoi le Seigneur représente-t-il la divinité. Et c'est pour ça le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les antagonistes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dites la ilaha illallah, fa abaw, ils n'ont pas voulu la dire. Pourquoi ? Parce que c'était des adorateurs d'idoles et des adorateurs de statues. Et eux, ils avaient d'autres divinités. Malgré que eux, est-ce qu'ils croyaient en Allah ? Ils croyaient en Allah. Les Arabes à l'époque du prophète, sallam, s'apparentaient à la religion de Ibrahim, alayhissalam. Donc eux, leur divergence et l'antagonisme et l'adversité qu'ils avaient avec le messager d'Allah n'étaient pas sur l'existence du Créateur. Eux, ils croyaient en l'existence du Créateur. Et si tu leur demandais qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah dans un verset. Donc les polythéistes à l'époque du prophète, eux croyaient en Allah. Et Allah nous dit si tu leur demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Donc eux savaient que c'est Allah. La divergence avec le prophète qu'ils avaient son peuple, les premiers antagonistes du messager d'Allah, ceux qui lui ont fait subir ses tourments et ses supplices au prophète et qui n'ont pas accepté au départ son appel, n'étaient pas leur adversité et leur antagonisme et leur divergence n'étaient pas sur l'existence du Créateur, mais c'était sur Al-Ubudiyya. Eux, ils adoraient le Créateur et à côté, ils adoraient des idoles. Ils adoraient des statues. Ils avaient Lut ou Al-Uzza. Et la première qui était mise à la Mecque à l'époque, c'était Hubal. C'était Hubal. Et le premier, celui qui fut la cause de l'apparition de l'adoration de statues et de représentations à la Mecque, c'était un homme qui s'appelait Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. C'est lui, lors de ce voyage, et lui, il faisait partie du clan de Khuza'a. Il faisait partie du clan de Khuza'a. Ce clan-là, à l'époque, dans la grande histoire de la péninsule arabique et de la Mecque, le clan, la tribu de Khuza'a, a régné sur la Mecque, une grande période. Après le règne de la tribu de Jurhum. Et la tribu de Jurhum, c'est la tribu qui a adopté le prophète Ismaïl, le fils d'Abraham, Ibrahim, alayhi salam. Et donc, après le règne de Jurhum, qui ont régné très longtemps sur la Mecque, vous connaissez l'histoire, lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, il y avait Ismaïl, qui était bébé, avec sa mère, Hajar, et là, ils ont demandé l'autorisation de vivre à la Mecque. Ça, c'était la tribu de Jurhum. Donc, ils ont adopté Ismaïl, et de là, il a appris l'arabe, et il a grandi avec la tribu de Jurhum qui régna ensuite sur la Mecque pendant de longs siècles. Et c'est pour ça que tous les descendants de Ismaïl, du prophète Ismaïl, qui est le fils de Ibrahim alayhissalam, que la paix soit sur lui, comme on l'a dit précédemment, sont ce qu'on appelle des Arabes d'adoption. Pourquoi ? Parce que les savants disent qu'il y a trois catégories d'Arabes chez les historiens. Al-Arab al-Ba'ida, wal-Musta'aliba, wal-Aliba. Il y a les Arabes al-Ba'ida, les Arabes disparus, comme Ad, wa Thamoud, wa Imlaq et d'autres. Il y a les Arabes de souche. Ensuite, ça, c'est il y a le grand développé chez les grands historiens. Et beaucoup disent que ce sont les Arabes de Al-Qahtaniyoun et autres. En tout cas, ce qu'on appelle les Arabes de souche. Et il y a les Arabes d'adoption. Les Arabes d'adoption, qui sont la descendance de Ismaïl, alayhi salam. Pour ça, le prophète Abraham, Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur lui, est le père de Banu Israël. Puisqu'il y a la lignée de Banu Israël avec son fils Ishaq, et après Yaqub, et la lignée aussi de Ismaïl. Et donc, c'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le livre, parle beaucoup de Ibrahim, alayhi salam, Abul Anbiya, qui est nommé le père des prophètes. Pourquoi ? Parce que les Arabes à l'époque s'apparentaient et s'affiliaient à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et pour eux-mêmes, l'adoration d'idoles, l'adoration de statues, l'adoration de fausses divinités, pour eux, ça ne contredisait pas le culte et la voie d'Ibrahim alayhi salam. Ça ne contredisait pas ce qu'on appelle al-Hanifiyya, millatu Ibrahim, li'annahu kana hanifan, parce que Ibrahim était hanif. Et millatu, c'est al-Hanifiyya. La voix du prophète Ibrahim alayhi salam. Et pour les Arabes, pour eux, c'était une innovation d'adorer des idoles. Mais pour eux, cette innovation ne contredisait pas Millatu Ibrahim alayhi salam. Et donc on a dit, c'est plus tard, avec l'apparition d'une tribu qui s'appelait Khuza'a, et ils vont s'accaparer du pouvoir sur la Mecque, en le prenant à la tribu de Jurhum. Ils vont régner à peu près 300 années. C'est après que le clan Quraysh, la tribu du prophète Sam Quraysh, prendra le règne sur la Mecque lorsqu'ils vont le prendre à Khuza'a. Et donc, pour comprendre l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé depuis Ismaïl ? Puisqu'Ismaïl, il a appelé au Tawhid dans la péninsule arabique. Et donc, à la Mecque, s'est propagée l'unicité de l'adoration au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens de la Mecque étaient sur la voie de Ibrahim et de Ismaïl alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'à l'époque du messager d'Allah, le prophète Mohammed, les gens étaient polythéistes? C'est ce qu'on appelle les polythéistes arabes. Étaient polythéistes. Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, les Arabes de la Mecque, après Ismaïl, étaient ala dini Ibrahim, ala millati Ibrahim, ala al-hanifiyya. ça l'apparition de cet homme. Et c'est confirmé dans un hadith. Cet homme qui s'appelait Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui faisait partie du clan de Khuza'a. Donc c'est à l'époque de Khuza'a que l'adoration ou l'apparition de fausses divinités comme les statues est apparue à la Mecque. Ça c'est pour comprendre le contexte historique de l'époque. Est apparue à la Mecque avec Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Et lui, comment cela est arrivé? Lors d'un voyage, un voyage au Chem. Vous savez que les Arabes de la péninsule arabique faisaient des voyages au Chem, au Moyen-Orient, si on peut appeler la sorte. Au Chem, et la Syrie, pour eux, c'était une terre de prophètes. Beaucoup de prophètes sont venus en Syrie, et beaucoup de livres sont descendus en cette terre, en Syrie. Et donc, pour les Arabes, c'était une terre d'écriture. C'était la terre des lettrés. Et lorsque cet homme, Amr ibn Luhay, c'était un homme qui avait un certain charisme dans sa tribu. C'était un homme respecté qui faisait partie des notables dans sa tribu. Lorsqu'il a fait ce voyage en Syrie au Chem de l'époque, il a vu que les gens avaient des statues et des divinités qu'ils adoraient. Alors, istahsana hadha al-amr. Il a aimé cela, il a apprécié cela jusqu'à ce qu'il a rapporté l'une de ses statues, l'une de ses fausses divinités, et l'a rapportée à la Mecque. Elle s'appelait Hubal. C'est la première divinité, fausse divinité qui a été mise à la Mecque, elle s'appelait, se nommait Hubal. Là, au départ, ce n'était pas de l'adorer et de lui vouer directement adoration. Mais au départ, c'était, il la place à la Mecque, c'était à titre d'intercession. Et on verra plus tard dans d'autres assises. El-Muhim. On parlait du fait que le débat ensuite, à notre époque, est sur le sens de El-Ilah. El-Ilah pour bien comprendre le sens de La ilaha illallah, mais aussi pour bien comprendre aussi le sens de l'adoration. Donc l'auteur dit, regardez ce qu'il dit ensuite. Donc vous comprenez maintenant le sens en ce qu'il dit. L'adoration, pardon, implique en effet la présence de la divinité. La présence de la divinité. Elle est la trace et la conséquence. Elle est autant liée à la divinité que les attributs sont liés à leur sujet. Que les attributs sont liés à leur sujet. Que le savoir par rapport au sujet. Que la création et le pouvoir de créer. Que le bruit par rapport à l'écoute. Que la bienfaisance par rapport à la miséricorde. Là, l'auteur nous donne l'importance du sujet. Pour bien comprendre le sens et l'utilité et les sagesses derrière la prescription de l'adoration, il faut comprendre le terme de l'ilahiyya. Regardez, il le dit immensément bien en arabe. As-sinf al-rabi' humul qailuna bil jam'i bayna al-khalqi wal-amri والقدر والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية مبني على حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. Donc là vous avez, c'est plus clair. وأن العبادة موجبة الإلهية وأثرها مقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات إلى آخر الكلام. Regardez ce qu'il dit ensuite. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها. Regardez ce qu'il dit. Il dit de ce fait, de ce point de vue, il devient facile, grâce à cette connaissance, de découvrir le vrai sens et le but de l'adoration. Et le but de l'adoration. Si on connaît le sens de al-ilahiyya, de la divinité, qu'est-ce que la divinité? Et ou même al-ilah, quel est le sens de ilah, comme on l'a dans l'attestation de foi, alors là, ça sera plus aisé et plus facile pour nous de comprendre les bienfaits, le sens réel et véritable de l'adoration. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمات محمدا الوسادة والفضل الأبات محمدا التي مات. Pour terminer très brièvement, قال صاحب كتاب إفادة المستفيد. قال الشارح, regardez ce qu'il dit. Lorsque Cheikh fait إفادة المستفيد, il va expliquer le sens donc de الإلهية. قال فهم يعبدون الله تألها لله عز وجل تعبدا ومحبة وطاعة وهذا معنى الألوهية. Le fait d'adorer le Créateur تألها أو تألها لله وتعبدا ومحبة وطاعة هذا المعنى الألوهية. C'est ça le sens de الألوهية. Ce que nous souvent traduit par l'unicité de la divinité. La divinité, c'est quoi? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal en l'obéissant, en lui vouant un culte, un amour exclusif. Quel est le sens de l'adoration? Il dit, c'est التألُه والتعبُد. قال والألوهية هي التعبُد والإله والمعبود والإله والمعبود. وهذا مهم جدا. خلقنا لعبادة الله عز وجل. On a été créé pour l'adoration d'Allah. On doit vraiment percevoir ses sens. On doit vraiment étudier le sens de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration réellement? Et donc l'auteur nous dit que إذا فهمنا كما قلنا أن الألوهية هي التعبد والإله هو المعبود ليس الخالق فقط كما فسر الشهادة بعض المنحرفين في معنى لا إله إلا الله قالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله هذا ليس بصحيح. الإله هو المعبود والمعبود هو الخالق. من قال معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا لا يكفي. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد فبباطل وغير الله إن عبد فبباطل فالإله هو المعبود فالإله هو المعبود. ولذلك التوحيد الربوبية يستلزم التوحيد الألوهية والتوحيد الألوهية يتضمن التوحيد الربوبية وهذه قاعدة مهم جدا. التوحيد الربوبية يستلزم التوحيد الألوهية والتوحيد الألوهية يتضمن التوحيد الربوبية. فقال الشيخ في فدة المستفيد استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها المعرفة الصحيحة. Donc celui qui comprend le sens de الألوهية والإلهية ومعنى الإله comme on l'a cité précédemment قال استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها المعرفة الصحيحة. قال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل الكلام في حلقة قادمة بإذن الله وبحول الله جل وعلا. وبارك الله فيكم وجازكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله على